This is you de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Fou pour la semaine du 3 au 8 octobre 2016. C'est parti pour une autre 3 heures ensemble. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Tania Baudin. Oui, parce qu'on a pas assez de Mathieu Plante et Tania Baudin, le duo. Oui, exactement. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant, Mathieu. Toujours ensemble. On n'a plus le choix. Pour toujours, sauf pour nos émissions individuelles. Et sauf pour notre vie commune. Voilà. Exactement. Tu fais bien de le dire. Ouais, je sais. Il y en a plusieurs qui pensent qu'on est un couple, Mathieu, parce qu'on est tout en onde ensemble. Tellement, tellement. Mais non, bon. Sachez-le. Sinon, ni un ni l'autre aurions Tinder. Quoique aujourd'hui. Ouais, ça dépend des jours. Si, c'est exact. Mais non, je dirais que 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11 heures ensemble, c'est assez. Ouais, ouais, je pense que ça fait une pire moyenne. Plus les rediffusions. Plus les rediffusions, ouais. Parce plus les heures de bureau. Plus les heures de bureau. Ouais, c'est plus les heures de dîner aussi. Oui, exactement. Donc, tu vois, aujourd'hui. On est comme des BFF, Mathieu. Absolument. Bref, je voulais dire quelque chose de vraiment péjoratif, mais non, c'est correct, je vais m'en passer. Je voulais dire, t'es comme mon ami gay, mais pas gay. Mais pas gay. Merci, et voilà, merci, mesdames, sachez-le, Mathieu Plante est toujours célibataire. Il y a de mal là-dedans, mais je suis tellement célibataire. Ça n'a pas l'air. Donc, aujourd'hui, bien sûr, les paroles à C'est Fou, c'est une émission de 3 heures, en fait. Une émission de 3 heures dans laquelle on écoute la meilleure musique de C'est Fou. On a 20 pièces francophones, 20 pièces anglophones. La semaine passée, le numéro 1 anglophone, c'était Tom Tom par Holy Fuck. Et du côté francophone, la semaine dernière, c'était Mauve avec Longtemps. Est-ce que cette semaine, ça va rester la même chose ou ça va changer? Ah, on va savoir en fin d'émission. Et on a tellement de choses à se mettre sous la dent en termes de nouveautés cette semaine. La portion New Shit de l'émission va prendre toute l'heure au complet, d'après moi. Donc plus tard en anglophone, il y aura Groenland, Creef, Croy, les Deluxe, oui, oui, en anglais, ainsi que Huckerville River. Et du côté francophone, eh bien, on va avoir aussi de nouvelles entrées. On parle de 4 nouvelles entrées. Non, 5! 5, oui. 5 nouvelles entrées. J'ai de la misère à calculer. Mon Dieu, ça n'a pas de lieu. Hein? Donc, entre autres, on va entendre du Gasoline, We Are Wolves, La Femme, Le Couleur, puis Adrien Soleiman. Oui, je dirais que c'est Gasoline parce que c'est en français, hein, mais bon, c'est comme tu veux. Tout à l'heure. Je suis désolée. Huckerville River. Non, en français, ça aurait été Essence, Mathieu. Oui, t'as raison, t'as raison. Donc, Huckerville River, tantôt avec The Industry en 20e anglophone. Et on va commencer tout ça du côté francophone avec Gasoline et la pièce Ne m'oublie pas. Sûr que ça, même, ça se prononce? Ben, je pense que oui. C'est Les Palmarès, c'est Pau. Je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai nouvelle entrée. Something so big and abstract that I can't tell what it is. All while you're out there grinding on some poor girl who is backstage at the 6.8 Rock Fest. It's like they're trying to make us cheap along with it. I watched you turn into your very opposite, into everything we were trying to reject. And I figured you had trying to bum rush that VIP. Up there, out where the beautiful people live, but is that ever who we even wanted to be? Do you remember, baby, back in 96? Nouvelle entrée. Tongue, the same old thing that I heard sung to me last spring. You're living off a memory of youth, my love of apathy, misanthropy's a sentiment you provoke in me so well. I won't descend back to your hell. Les Deluxe et Springtime Devil, la pièce de leur plus récent album. C'est un groupe francophone. Habituellement, on les connaît pour plein de chansons qu'ils ont fait dans les palmarès francophones, mais là, un album en anglais. C'est un groupe de Montréal. Ils disent de rock and roll, tout simplement. Hein? Lesdeluxe.com et leur site web. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu We Are Wolves avec Au revoir les crapules. Tu vois, eux, on est un petit peu les entendre en anglais. C'est vrai? Fait que, tu sais, inversement proportionnel. En 20e place, Huckerville River sur leur album Away, c'est la pièce The Industry. Et ça, c'est un groupe américain mené par le chanteur Will Sheff. Du côté francophone, on a commencé le tout avec Ne m'oublie pas de Gasoline ou Gasoline. Ouais, ça dépend, là. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Mais sachez-le, ils sont en tournée, donc allez faire un tour sur la page Facebook du band si jamais ça vous intéresse. Ça s'écrit comme ça se dit, Gasoline. Et vous allez pouvoir voir toutes les belles dates et où ils vont être un petit peu partout au Canada. Un bloc de quatre composé seulement de vétérans des palmarès, c'est fou, des gens qui sont de retour, des groupes qu'on aime beaucoup et qu'on apprécie. Le prochain bloc est composé de nouveautés que moi je ne connais pas. Du côté anglophone, ce sera Croy avec l'extrait River en 18e. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Adrien Soleiman avec La Nuit Tombée. On écoute ça dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Thank you. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. 18. Nouvelle entrée. De Croix avec River sur l'album Scavenger. Croix, c'est Camille Poliquin. Ah, ok. On l'appelle aussi des fois Camille Poliquin, j'imagine. Camille Poliquin. Influence trip-hop, entre autres, les groupes Goldfrapp et Portishead, et le pop, la pop moderne comme Vampire Weekend et Youth Lagoon. C'est son premier album qui est sorti le 23 septembre. Son premier single, River, comme vient d'entendre, nous donne un petit avant-goût de son paysage musical, un univers captivant de rythmes hypnotisants et de synthétiseurs analogues, dit-elle. Et sur sa couverture de CD, elle pleure du numérique. Elle pleure des 1 puis des 0. Ah, oh, mon Dieu, OK. Comme un robot. Ah, oh, c'est triste. Wow. Du côté francophone, on a entendu Adrien Soleiman avec La Nuit Tombée, mais sachez que c'est le premier album d'Adrien Soleiman qui est Brille, donc si jamais vous le cherchez, c'est Brille le nom de l'album. Mais on parle aussi du fait que c'est un gars très très épuré dans sa musique et très efficace, donc sans renoncer à la densité que commande son propos et son parcours, on joint le tout pour que ça devienne la meilleure musique aux oreilles des gens. Ah, écrive-tu bien ces gens-là? Sans payer pour ça. C'est ça. Est-ce que tu as vu la pochette d'Adrien Soleiman? C'est mauve. Oui, c'est mauve. Et c'est aussi un genre de carton vinyle un peu. Ouais, c'est comme c'est cool, hein? Donc, pour ceux qui aiment les pochettes de vinyle, c'est très, très gros. Et à l'intérieur, il y a une petite fente pour mettre le CD. Oui. C'est comme bien sympathique. Donc, Adrien Soleiman brille. On est rendu aux prochaines places, c'est-à-dire les positions numéro 17. Du côté anglophone, ce sera Creef, sur l'album Automatic, la pièce Mississippi. Du côté francophone, ça va être L'Amour, le jour du groupe Le Couleur. On les aime bien, retour. Le Couleur. Le Couleur. Le Couleur. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oui. Entrée. Mmh. still about me? Should I cut myself lucky? The air that I breathe. And I never said this would be easy to follow. And I never said this would be easy to follow. Don't come back, baby. Come back, baby. Who's by your side of me? What can you see? It's a matter of time to symphony. C'était Creef et la pièce Mississippi sur l'album Automatic. Creef, qui est en fait c'est son quatrième album. Ouais, ah ouais, quatrième album solo, Automatic. Et ça dit qu'il a travaillé depuis la dernière série en tournée avec le groupe The Dears, groupe montréalais. Oh, très très bon. Du côté francophone, on a entendu L'amour le jour du band Le Couleur, qui est un band d'ici, Mathieu, de Montréal, pas nécessairement de Trois-Rivières, mais la du province, Québec, et voilà, ouais, de la province, style électro, dance, pop, avec Laurence, Steven et Patrick. Ben salut à ces trois-là. On vous salue. Ah, il nous reste deux nouvelles entrées. Depuis le début de l'émission, qu'on a seulement des nouvelles entrées, il y en a 10 en tout. Donc on va y aller tout de suite sans perdre plus de temps. Allons entendre du côté anglophone Groenland avec une pièce de l'album Water Space qui se nomme Distract. Et du côté francophone, on va entendre Où va le monde de la femme? La femme! La femme! Femme va me chauffer un sandwich! C'est ça. C'est tellement un nom de groupe misogyne, ça. C'est peut-être juste des femmes, par exemple. Ah, peut-être! On va se renseigner comme on le fait pendant les chansons à la place. Existez ça. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu

social, but can be an irrational makeup for when I'm feeling lost. There's a rumor spreading through my body as I move further from the truth. It's all logic and pretend. If I find a way to mend that, I'll know then. Fall into position. What do you need proof for? When every disease is a distraction, I'll be careful with words. Did I scream through the past? I wish I could keep track of reality. La pièce Distractions par Groenland. Et évidemment, on connaît Groenland quand même pour leur participation, entre autres, aux soirées cachées c'est fou il y a quelques années de ça. Mm-hmm. Leur plus récent album s'appelle Wider Space. C'est disponible depuis le mois de septembre, donc 16 septembre. C'est composé de Jean-Vivier Lévesque, Sabrina Hall, de Jonathan Charest, Ariane Gruet-Pelcha, Simon Gosselin et Marianne Bertrand. Mais en premier lieu, on a entendu La Femme avec Où va le monde. La Femme, c'est un band français de Paris qui sont présentement en tournée pour leur nouvel album. Donc, sachez-le, si vous voulez vous procurer le nouvel album, il s'appelle Mystère. Génial! On a passé à travers nos nouvelles entrées. Oui. Ça nous a pris 45 minutes et plus, mais c'est fait maintenant. C'est fait. Il y avait vraiment beaucoup de nouvelles entrées cette semaine. 6 nouvelles pièces qu'on va pouvoir utiliser à bon escient partout à C'est fou, entre autres à notre émission du matin, Assemblage requis, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, on saute par-dessus plein de choses parce qu'il nous reste seulement 10 minutes à cette première heure. Donc, on va sauter par-dessus les 15 et 14 anglophones. 15e place, c'est Pop avec un ancien numéro 1 il y a quelques mois, DVP. Et en 14e, Hot Panda, une nouvelle entrée de la semaine passée qu'on aura peut-être la chance d'entendre plus tard, oui, s'appelle Bad Pop. Du côté francophone, on va sauter par-dessus les 15, 14 et 13e positions. Donc, on va sauter Hypnolove, une pièce qu'on a beaucoup aimée avec la piscine. On va aussi sauter par-dessus les Indiens avec Sauvage et on va sauter par-dessus les passagers. C'est drôle parce que ça fait vraiment les phrases qui suivent. Ouais, hein? Avec Te retrouver et on va aller en 12e position. Voilà, donc ce sera la bronze dans le milieu du bloc. Moi, de mon côté, en anglophone, on va terminer avec Royal Canyon et on va commencer avec la 13e position qui monte de 6 places, nouvelle entrée de la semaine passée. C'est Toons. Oui. On a bien aimé Toons la fois qu'on l'a entendu. Ah oh ouais, vraiment. C'est une chanson qu'on fait jouer quand même assez souvent dans le sablage Reiki, hein, Mathieu? Absolument, absolument. Donc on l'écoute à l'instant, Toons, Mind Over Matter dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mm-hmm. The sun would be good for healing, but I don't get that same.

j'aime tellement ça. Royal Canoe avec Somersault. Ça monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée en 17e. Du côté francophone, on a entendu La Bronze, un incontournable des palmarès francophones, avec sa nouvelle pièce Manger nos cœurs avec Feet Holograph. Feet! Feet Holograph! Et on a commencé 12e. Avec Toons et Mind Over Matter en 13e anglophone. On vous a dit tantôt ce qu'on avait sauté, donc on n'en reparlera pas. C'est la fin de la première heure des palmarès. C'est fou, on se quitte quelques instants, mais dans la deuxième heure, on va avoir les positions 10 à 6. On a aussi l'huile de palmarès. Ok, oui! La plus récente addition à notre émission, c'est-à-dire les nouveautés musicales de Tania Baudin. Voilà. Voilà! C'est au retour dans la deuxième heure, c'est là. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Vous l'avez dit que ce serait pas long, nous revoilà déjà au Palmarès C'est fou pour la semaine du 3 au 8 octobre 2016. Tania Baudin. Et Mathieu Pont. Dans cette deuxième heure, les positions 10 à 6, c'est le milieu. C'est pas comme déjà. La... Oui, je sais, c'est de même, c'est de même. C'est aussi l'heure où on saute quelques affaires pour faire une petite chronique une fois de temps en temps. On va faire huile de palmarès vers la fin de cette deuxième heure. Ouais. Il reste encore, quoi, le deux tiers de l'émission. Oui, oui, oui, quand même. Mais on compte pas quand même les minutes. Du côté anglophone, la 10e place est occupée par Jay Arner et Crystal Ball. Jay Arner, c'est celui qui met sur sa pochette son studio d'enregistrement, sa blonde pis son chien. Pis une coupe de vin. Oui. T'sais. C'est ça. C'est ça. C'est un peu égocentrique. C'est de l'or, Mathieu. Apparemment, on peut pas vraiment poser de questions. C'est ça. T'as bien raison. Jay Arner avec son album J2 tout à l'heure. Et du côté francophone, ça va être Fred Fortin avec Gratte. Gratte, gratte, gratte. Ah, ok, bon. J'aime ça dire ça. C'est les femmes assez fous. Oh, 89 FM. J'ai pensé l'hiver à penser la gratte. J'ai mieux pensé du temps avec la gratte. J'ai pensé l'hiver à gratter tout seul. J'ai dur avec moi. J'ai dur avec la gratte. La gratte est dure pour moi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça fait dur. Pour t'en débarrasser, laisse en une 10. C'est un film noir, oui je pense, j'espère. questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui, je suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde le code de la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir. C'est ma faute, j'étais plus sûr si on avait fini. Attends un peu. Ça, c'était The O.C.s qui jouait là. Je crois que oui. Ouais, Plastic Plant qui monte de la 14e à la 9e. Le fun. Du côté francophone, on a entendu Peter Peter avec Eden Noir ou Noir Eden. On sait jamais comment il faut l'appeler. C'est ça. Je me demande s'il y en manquait une là-dedans. Je pense que non. Avant ça, on a entendu Jay Arner, ça je m'en rappelle, avec Crystal Ball qui a descendu de 3 places. Et on a commencé le tout avec Fred Fortin et Gratte. Ouais, j'ai tout entendu les 4. Ben ouais. C'était fini là. C'est donc un bloc de 4 places, 4 pièces. Des fois, on se perd avec autant de pièces. Je sais, c'est fou. Ça arrive. Donc, position numéro 8, maintenant, on va jouer seulement 2 pièces à la fois pour essayer de se remettre un petit peu sur le bon beat. Donc, en anglophone, ce sera Andy Schauf avec le succès de Magician qui descend de la 3e place sur l'album The Party. Et du côté francophone, on va entendre les Sœurs Boulay qui, la semaine dernière, étaient une nouvelle entrée en 19e position. Là, on a vraiment fait un saut dans le top. On est rendu en 8e place avec la moitié de toi qui dors. Ça se passe dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Je sais que tu travailles toujours fort avec ce qui t'a été donné. Tes yeux sont accoutumés au noir. Tu sais nourrir la bouche qui te mord, celle qui t'empêche de parler. Moi j'essaie de devenir un prendre le contrôle de mon corps pour essayer de nous réparer. Je sais que t'es déjà rendu plus loin que ta mère avant toi, mais l'avenir ne se fait plus rien qu'en regardant derrière soi. J'imagine que la vie. Je sais que c'était déjà compliqué, mais moi, maman, ce que j'ai appris, c'est que c'est un peu comme ça qu'on guérit, qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Je sais huit. The Magician, position numéro 8. Ça descend de la 3e, 7e semaine de présence. Ça se fait vieux, ça, sur la bande de Party. Du côté francophone, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on a entendu une nouvelle entrée la semaine dernière qui était les Sœurs Boulay. On est maintenant rendu en 8e position avec La moitié de toi qui dort. Un petit bloc calme quand même, on va dire. Oui. Le prochain, est-ce qu'il va être calme? Moitié-moitié, je dirais, parce qu'il me semble que Bad Bad Not Good, il me semble que c'est pas si calme que ça. Mais en même temps, Moussette. Je sais pas non plus. On dirait qu'on se mêle dans les palmarès. C'est vrai. Il y a des noms de bands comme ça qu'on est comme pas sûr. Comme là, ce qu'on vient d'entendre de Magician, je me rappelais pas que c'était celle-là. Ça. Ah, t'as bien raison. Ouais. Donc, Bad Bad Not Good avec In Your Eyes qui descend d'une place. Mais on commence tout ça avec Moussette et Insouciance. C'est suite au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oh oui. C'est pas dans la pas trop peur de moi. Bad, bad, not good. L'extrait In Your Eyes. Ça descend de place sur l'album 4. On va le faire. Côté francophone, on dirait que j'essayais de suivre le beat, mais ça fonctionne pas. Bon, du côté francophone, on a entendu Moussette avec Insouciance. Avant de passer aux positions numéro 6, c'est le moment de faire Huile de palmarès. Oh my God! Je sais, il faut que j'embarque à un moment donné, mais je l'aime le beat. Non. Ah là, pas mal, je pense. Ah là. Ah ouais. L'huile de palmarès, c'est la section dans laquelle on regroupe des pièces que Tania a découvertes. Oui, tout à fait. Ouais. Des pièces ou des artistes. Ouais, toujours le plus avec ce verbe. Tout simplement grâce soit à Spotify, à YouTube, à 8Tracks. L'Internet, voilà. Le triple W. Et cette semaine, bien, je pense que j'ai découvert seulement des artistes canadiens. Non, j'en ai un américain. Je suis désolée, malheureusement. Je vais vous en présenter trois. Mais le premier que je vous présente est né en 1995. Donc, il est seulement âgé de 21 ans. Et il est canadien, chanteur, producteur. On parle de Francisco Yates, qui vient de Toronto. On parle d'un genre musical pop, R&B, quasiment blues, jazzy aussi à certains moments. Les instruments dont il joue, c'est la guitare et le piano. Et il a commencé quand même à écrire de la musique à l'âge de 11 ans seulement. Il a signé avec Atlantic Records à l'âge de 16 ans. Et il a sorti son premier EP en 2015. Donc, il a été aussi coproduit par Robin Hannibal et Pharrell Williams. Rien de moyen, on n'y va pas avec les petites écoles, là. Grand chapeau. En 2015, il a été récompensé du prix Heat Seeker au Canadian Radio Music Awards et il se produit sur scène à l'occasion de certaines cérémonies officielles, par exemple le Canada Day. Il a joué à la Coupe du Monde de hockey aussi récemment à Toronto. Il a prêté sa voix à la chanson de Robin Schulz, la fameuse chanson Sugar. Et c'est une des pièces qu'il a repris. Entre autres, si vous voulez voir plusieurs vidéos de lui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup quand même de covers, mais de différents styles musicaux. Donc, allez faire un tour sur sa chaîne YouTube. C'est quand même assez très, très intéressant. Vous pouvez voir qu'il a repris plusieurs tunes connues, mais vraiment dans des styles complètement différents les uns des autres. Donc, tout à l'heure, je parlais de blues, jazz un peu. À certains moments, vous allez avoir du gros pop et à d'autres moments, vous allez voir que ça va être beaucoup plus calme ou encore jazzy. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai découvert grâce à Spotify avant l'émission tout à l'heure. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je vais vous faire écouter une de ses chansons qui est sortie en 2015 qui s'appelle Better to be Loved. On s'entend que ça n'a pas nécessairement fait le top 1 des palmarès au Canada. Par contre, le plus haut que ça s'est rendu dans certains palmarès, c'est 37e position ici au Canada. Mais si on y va avec les positions un petit peu ailleurs où il s'est fait connaître, entre autres en Australie, il a été top 1. En France, il a été dans le top 2. En Suède, on s'est rendu dans le top 10. Donc, de ce côté-là, peut-être qu'ici au Canada, dans sa propre maison, on le connaît pas assez bien. Mais voici Better to be Loved de Francisco Yates. Huile de palmarès dans les palmarès, c'est fou. Nobody, make believe that you were never hurt before, and let me change your mind. Hold me, you don't have a reason to be lonely. We can break the dawn into a sea of light and set the world on fire. 'Cause when everything is frozen and you cannot feel a thing, I'll be there with arms wide open, and I'm hoping you will see. If you really need it, you got to believe it. Just reach out and feel it. It's better to be loved. And once you come near it, you don't have to fear it. I just want you to hear it. there's a greater sand just blowing in the wind. Let me move you, let me set your body into motion. We can ride the rhythm and we'll dance until the darkness finally ends. Oh no, no. Everybody needs affection. Évidemment, clap clap, hein? Francisco Yates avec Better to be Loved. Il a aussi joué au Festival international de jazz de Montréal en 2016. Donc, pour certains, si vous étiez là, vous avez eu la chance de l'entendre. J'espère que c'était le fun parce que c'est un style musical que j'aime beaucoup et une voix que j'adore. Voilà. Oui, c'était très bon. C'était vraiment bon. C'est comme un petit kick, je sais pas, 80s des fois. C'est vrai. Ça dépend vraiment de la playlist que j'écoute. Ouais. Bien souvent, je vais vous l'avouer, je découvre les nouveaux artistes ou les nouvelles chansons dans la découverte de la semaine Spotify. Mais est-ce que c'est découverte de la propre page. Ah, c'est ça, c'est découvert de... C'est selon les types de... Ouais. Selon ce que t'écoutes, ça connaît ta personnalité. C'est ça, ouais. C'est pas pour tout le monde, ces choix-là. Là. Non, parce que ça y va vraiment selon les playlists que tu peux aller cliquer, là, bien évidemment. Ouais. Comme exemple, si je vais souvent voir des playlists de workout si je m'entraîne, bien, il va y en avoir plus dans ma découverte de la semaine, tu comprends? Tu vas penser que t'aimes la musique de workout, ouais, alors que t'aimes juste ça pour t'entraîner, c'est finalement. Ça, exactement. Ouais. C'est un peu la différence avec 8-Tracks, en fait, c'est que 8-Tracks va pas nécessairement te proposer des playlists comme ça. Hmm. As-tu essayé Apple Music, non? Pas encore. Je suis curieux de voir ce que ça donne. C'est vrai, hein? Il reste deux autres pièces à entendre. Deux autres pièces, deux autres artistes. En fait, une artiste et un band. Je vais vous parler de Ash Coley. Elle aussi est canadienne. Elle vient de Winnipeg au Manitoba. On parle de pop alternatif et aussi de New Wave. Donc, qu'est-ce que New Wave? Honnêtement, c'est un style musical que je ne connaissais pas nécessairement. Quand on parle de New Wave musical, on parle d'un genre rock, mais réinventé. Okay. Qui a été créé dans les années 1970 à 1980 et qui va beaucoup plus vers le punk rock. Donc, de ce côté-là, on fait peut-être justement ce fameux mélange-là punk rock pop pour Ash Coley. Et elle aussi, je l'ai découverte grâce à Spotify dans une playlist qui était différente de celle de la découverte de la semaine. Et elle a un band, donc bien évidemment, on connaît Ash Coley qui est dans le band, qui est la chanteuse... principal. À l'avant-plan, voilà. Exactement. Et il y a aussi une autre personne qui s'appelle Phil Deschambault. Ah, OK. C'est quand même... Deschambault. C'est ça. C'est du côté anglophone. Je sais pas, il doit juste s'appeler Phil. Mais c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est arrangement musical, donc guitare et clavier. C'est lui qui fait ça en spectacle. Et Ashley Coley, ben en fait Ash Coley, ouais. de son nom d'artiste. C'est mais plus son... beau Ashley Coley, je trouve. C'est vrai, hein? Parce que là, ça a l'air d'un chien. C'est un petit Ash Coley. Je mets là, je vais te Ash Coley. De son vrai nom, mon Dieu, c'est terrible. De son vrai nom, Ashley Michelle Coley. Elle est née à Winnipeg, au Manitoba, comme je le disais tout à l'heure. Elle a, entre autres, aucunement étudié en musique. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a étudié en sciences et en biochimie à l'Université de Winnipeg. J'aime tellement ta construction de phrase. Elle a, entre autres, pas fait quelque chose. Elle a aussi pas fait grand-chose. Je sais. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que bien souvent, les artistes canadiens vont avoir étudié la musique à un certain temps, soit au secondaire ou au collégial ou encore à l'université. Mais non, elle a fait tout à fait le contraire. Donc, on est allé en sciences et en biochimie. Mm-hmm. puis on se ramasse à faire de la musique. Je trouve ça cool quand même. Ben oui. Il faut le mentionner. Et on a aussi étudié le théâtre, la danse. Donc, on baignait quand même dans cet environnement-là qui était musical à certains moments. Et je vais vous faire écouter une de ces pièces tout à l'heure. Pas tout de suite, parce que je vais vous présenter l'autre band aussi avant qu'on avait dit. Donc, on va vous les faire jouer les deux, une après l'autre. Mais je vais vous faire écouter une de ses plus récentes pièces qui s'appelle Dangerous Words. Et si vous cherchez sur YouTube, vous pouvez très bien voir tout le reste de ses chansons dont elle a déjà chanté. Dont elle a accouché. Hey, c'est... Ouais. La formulation de mes phrases cet après-midi... C'est remettre dans l'ordre, c'est comme un puzzle. Ouais, c'est peut-être ça. C'est pas fort. Hein. Hey, des petites pines. C'est vrai. Elle a été beaucoup, beaucoup connue pour sa chanson qui est sortie en 2014, donc qui n'est pas nécessairement la plus récente que vous allez écouter. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir la pièce qui l'a fait connaître sur YouTube, allez voir ça. Ça s'appelle Criminal. Ça l'a sorti en 2014. Ça s'est rendu dans plusieurs top 10 canadiens, plusieurs top 10 américains aussi. On parle de la 17e top 10 Hot Canada. On parle aussi canadien-anglais, canadien de l'Ouest. Donc, elle a fait plusieurs palmarès et c'est quand même très intéressant à écouter. Magnifique. Le deuxième, ben non, en fait le troisième parce que Francesco Yates est un artiste individuel. Mm-hmm. Mais c'est Black Coast. Mathieu, est-ce que tu connais Black Coast? Il me semble que le nom dit quelque chose, mais tu sais, il y a des bands avec Dark Coast, Black Coast, tu sais, on ne sait pas. Non, je pense pas. Moi, je sais pas. Mais il existe un autre band qui s'appelle Black Coast. Aha. Qui font des remixes de chansons qui est beaucoup très, très, très électro. Beaucoup assez très, très, très, très, très, ouais. Je sais. C'est son expression de la journée. Beaucoup assez très, très. C'est le manque de avec café. C'est ça. Puis là, tu... Ouais. Exactement. Donc... J'ai dit en plus que j'ai arrêté de rire. Je sais, si vous écrivez, mon Dieu, ça va pas bien. Si vous écrivez Black Coast sur Google, vous avez beaucoup de chances de tomber sur l'autre band qui est américain, mais vraiment connu, qui fait, comme je le disais, des remixes, qui est très électro. Mais si vous cherchez un petit peu, si vous fouillez, vous allez tomber sur Black Coast, qui est un artiste producteur de New York et qui s'appelle Stan Rappaport. Le popo, il est correct, là. C'est pas moi qui ai bégayé, ouais. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment Stan Rappaport. Mais lorsqu'il est en spectacle, il est avec un band. Donc, on parle aussi de remix. C'est quelque chose qu'il fait, mais c'est vraiment deux bands différents. Donc, faites attention si vous cherchez sur Internet. Donc, on a grandi dans le Bronx. Dans le Bronx. Okay. Ça, c'est comme la section noire. Du Bronx. Le quartier où tous les gens noirs se rassemblent. Oui, c'est ça. Le Bronx. C'est ça, Mathieu, t'as bien compris. J'adore ça. Oh my God, ça va pas bien. Il a fait plusieurs apparitions dans différents bands lorsqu'il était adolescent, non, entre autres, dans des bands de rock, hardcore et aussi des bands pop, donc des styles complètement différents, mais c'est ce qu'il aimait beaucoup, c'est qu'avec un band, il pouvait être tel type de musique, avec un autre, il pouvait être tel genre, et lorsqu'il a décidé de partir Black Coast, eh bien, il a tout simplement décidé de faire comme une espèce de mash-up de tous ces styles-là, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver si vous faites les recherches sur YouTube ou encore Spotify ou 8-Tracks. C'est vraiment des pièces qui vont être très, très différentes l'une de l'autre parce que vous allez avoir cette espèce de sources punk, rock, hardcore dans différentes chansons, mais qui ne seront pas nécessairement mises ensemble dans la même pièce. Donc, c'est quand même très intéressant parce que ça vient joindre un public assez large, merci. Et il a fait des collaborations avec plusieurs artistes qui sont un petit peu partout sur YouTube. Alors, si ça vous intéresse, je vais mettre le tout sur la page Facebook. Des palmarès, ben oui. C'est fou, j'avais oublié qu'on a une page. On a ça. On l'avait peut-être pas assez à jour, mais là, pareil. Elle existe, donc je vais vous mettre ça sur la page Facebook des palmarès, c'est fou. Mais on va aller écouter une de ces pièces qui est un original, donc c'est pas un cover ou quoi que ce soit, et ça a été fait avec Madison Love, qui est une autre chanteuse. Vous allez voir quel genre de musique que c'est. Voici Black Coast avec No Filter. Dans Huile de palmarès. Le palmarès, c'est fou. 89 FM. too weak. I was played, I was always afraid, until I told myself I could speak. It was always in me. Survival. Ooh, ooh, ooh. Oui! C'était Sting. Je suis désolée. Ah, my God! My God! Je suis en train de lire un article qui était quand même très intéressant. Qui avait sûrement très rapport avec ce que tu étais en train de faire jouer comme musique. Oui, tout à fait. Je suis en train de lire la biographie complète de Ash Cooley. Ah, voilà. D'accord! Alors, c'était Ash Cooley avec Dangerous Words et on a commencé ce mini-bloc avec, avec Black Coast et No Filter qui est chanté par Madison Love, disons-le, parce que c'est pas le gars qui chante dedans. Si vous ne le saviez pas, c'est lui qui a fait toute l'harmonie musicale autour de ça et il avait demandé à la fille de chanter sur la chanson. Voilà. Cool. Ash Cooley, ça me rappelle Demi Lovato. Tu sais comment j'ai l'oreille pour les vedettes de Disney Channel? C'est vrai. J'aime bien Demi Lovato, donc ça me faisait penser à sa voix. Voilà. Tout à fait. Voilà, merci. C'était la chronique à huile. Comment on appelle ça? Huile de palmarès. C'est nouveau comme chronique. On n'a pas encore le mot en bouche. Non, je sais. Huile de palmarès. C'est la fin de la deuxième heure des palmarès. C'est fou. On se retrouve dans quelques instants pour une troisième. On va avoir les positions 5 à 1. Ou avant ça, on saute par-dessus le numéro 6 et tout broussé avec Lasca qui monte de la 11e. Et du côté francophone, eh bien, on va sauter par-dessus Chocolat avec les Pyramides. Comme je disais, au retour à la troisième heure, les positions 5 à 1. On va savoir les numéros 1 enfin restés avec nous. Oui, c'est pas mal, c'est fou. Okay. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1 C'est fou. C'est fou. C'est fou pour la semaine du 3 au 8 octobre 2016. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Tania qui a réussi à faire des passes de flip de cheveux avec un crayon en bouche, là, une vraie bête de cirque. On dirait un petit dauphin. C'est fou, hein? Non, une notarie. Tu fasses le bruit. Une notarie. Non, OK. Une notarie. Il n'y a rien de cute dans une notarie. Mais c'est lequel qui fait tourner des ballons sur son nez? C'est un. C'est pas mieux, c'est un phoque. Ah, t'as raison. C'est ni un dauphin ni une notarie, c'est toi. C'est là la toune du phoque en Alaska. J'avoue, t'as raison, mais c'est un peu comme rein, poumon et foie. Tu sais, lequel va avec Otari, ouais, c'est ça, c'est difficile, là, puis il y en a tellement, ils viennent tous de la même famille. Trop de mammifères, c'est ça, les mammifères. À un moment donné, arrête de différencier. On n'est pas là pour apprendre des choses, de toute façon, c'est les palmarès, c'est fou. Ouais. Hein? On est là juste pour entendre de la bonne musique. On a eu 2 heures jusqu'à maintenant, il nous en reste une troisième. C'est la portion top 5 de l'émission. D'ici la fin, on va enfin savoir si le numéro 1 anglophone est toujours Holy Fuck! Avec Tom Tom. Oh my God, ton langage, Mathieu. Je excuse-moi. Du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours longtemps de Mauve. S'il va rester au palmarès longtemps. Oh, longtemps! C'est un jeu de mots! C'est ma job, vole pas ma job. C'est OK. Prochain numéro 5, c'est Stable de Pac 80 avec Yes, I Know. Du côté francophone, on retourne avec un incontournable des palmarès. Je parle bien de La Bronze avec la pièce Roi de nous. Elle, on se débarrassera jamais d'elle, puis on veut pas de toute façon parce qu'on l'aime bien. Ah, bonne chanson. Bonne chanson. C'est une bonne chanson. Bonne chanson. Oh, oh, oh, oh. Crame sur nous. Ouais. Mon dragon. Fais-moi trop. On se tatue que nous sommes la liberté. Oh,

Grosse surprise, la pièce s'appelle Yes I Know par The Pacady, position numéro 5, stable en anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a entendu Roi de nous de la bronze qui est en cinquième position. On a monté d'une position depuis la semaine dernière. Ah, faut bien monter petit peu par petit peu comme ah, ça. Pas le choix, même si c'est même, ça fonctionne. Cette pièce-là, à un moment donné, de la bronze va nous quitter. Hein? On peut pas avoir deux pièces en même temps de la bronze pendant l'éternité. Non, c'est vrai. Ah. Hein? Déjà qu'on a changé une des pièces, il y en avait deux autres avec une en commun, puis on a changé pour une autre, puis il y en avait une en commun, mais ça. T'as raison. On sait pas, peut-être qu'elle va sortir une pièce à chaque mois, puis qu'on pourra en garder deux tout le temps. Ouh, peut-être. C'est le fun, c'est le fun. Position numéro 4, c'est par Holy Fuck en anglophone. C'est lancé numéro 1, donc ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone. C'est l'extrait Tom Tom sur l'album Congrats. Du côté francophone, eh bien, on monte de 5 positions pour les Ghouls avec Coma. Tout de suite, au premier assez fou. Ouh, 89 FM. Rah! Plongé dans le coma, coudon, rock. Lance numéro 1, Tom Tom sur l'album Congrats du côté anglophone. Du côté francophone, eh bien, c'était Coma des Ghouls, une pièce musicale qui a monté de 5 positions depuis la semaine dernière. Continuons avec les positions numéro 3 tout de suite en anglophone, Japanese Girls et Bully for You. Du côté francophone, ça va être avec Podcast de Loup-Garou. On a monté de 17 positions. C'est beaucoup. Pas mal, c'est fou. Ah, ton déguisement pour l'Halloween? Ouais. Sans pleine lune, coureur sans départ, buveur sans comptoir, le soir de semaine. Oh, oh, oh. Le diable en quarantaine, je viens sur toi. Connaîtras-tu? Je gagne à être perdu de temps en temps. Oh, oh, oh, oh. Sans camouflage lent. Running to a dying world, running Spice Girls, Bully for You, que j'adore. Donc ça, pour sur le numéro 3, ça monte d'une place en anglophone. Du côté francophone, comme on l'a dit, ça a monté de 17 places depuis la semaine dernière. C'est Loup-Garou des goûts de podcast. Avec podcast, oui, c'est ça. Avec podcast. Je regardais pas la bonne ligne. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça. C'est pas une émission de coloriage ici, on n'a pas à suivre les lignes. Hein. Non, je sais, par contre, j'en fais pas. J'avoue que, ouais, ben ça a l'air droit, ton enfant. Ouais, pas peu. Bref, on est rendu au poste numéro 2. Dans quelques instants, juste après ce bloc-là, ça va être la section ailleurs dans les palmarès. Oui. On se prépare notre voix. Mmh, sans compter l'introduction. Alors, donc, en anglophone, ce sera Person au numéro 2. Ça monte de 11 places la pièce Mr. Howard sur l'album Desire's Magic Theater. Du côté francophone, ça va être Mauve avec Longtemps, donc ça ne sera pas eux en première position. Ah. On se demande qui est-ce que ça va être. Et sans plus tarder, voici Longtemps de Mauve. Moi, je l'ai vu, ce qu'il y avait en première place. Oh, tricheur. Mais j'ai rien. C'est pas mal assez fou. Ouh, 89 FM. Oh, j'aimais ça, la petite trémolo dans ta voix. Là. Ouais, c'est ça. Yeah. Mr. Howard. Dans les palmarès, c'est fou, c'est la position numéro 2 du côté anglophone, ça monte de 11 places. Oui, du côté francophone, on a... Comment tu fais pour pas te rendre compte que la phrase est finie? J'en ai vraiment aucune idée, Mathieu. C'est parce que je suis à la recherche de mon costume d'Halloween. Ah. Fait que là, il y a plein de gens qui m'écrivent. Je pensais que t'étais au moins faké que tu cherchais quelque chose pour l'émission, mais non. Non, je suis désolée. Ouais. Mais si jamais vous avez des suggestions, allez faire un tour sur la page Facebook des Palmarès C'est fou, puis laissez-moi ça en commentaire. Ça serait vraiment génial. Ne dites pas un canard. Ni un pilote de feu. C'est vraiment une très mauvaise idée. Ouais, je sais pas comment un il canard. Ouais, bon. Non, mais tu sais, faut dire. C'est une mauvaise idée. Ouais, du côté francophone, on a entendu longtemps de Mauve. Je le disais tout à l'heure, c'était la première position du palmarès de la semaine passée. Qu'est-ce qui va être la première position cette semaine? Cette année, on ne sait pas encore, cette semaine non plus. Et le numéro 1 anglophone est aussi descendu. Donc, ça, on va savoir ça dans quelques minutes, vers la fin de l'émission. Il nous reste encore une vingtaine de minutes, ce qui veut dire qu'on a en masse de temps pour plonger à pieds joints dans la section ailleurs dans les palmarès. Ah non, je fais tout le temps ça. Ah non, mais tu peux laisser aller celle-là si on n'a pas besoin de chanter. Ouais. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est la section où on parle de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens, ainsi que le top 10 Loudette. Commençons par les nouvelles entrées dans le top 30 des CD en 20e place. En fait, je dois commencer en disant que tout ce qui est au fond du palmarès se retrouve aussi dans le top 20 anglophone, donc vous ne serez pas dépaysés. En 20e place, Huckerville Ripper avec Away. En 19e, les Deluxe avec Springtime Devil. En 18e, Croy avec Scavenger. En 17e, Creef avec Automatic. Et en 16e, c'est Groenland avec A Wider Space. Le top 3 en 3e position, c'est Japanese Girls avec Divorce. En 2e position, c'est Person avec Desire's Magic Theater. Et en première, Blue Pill. J'ai oublié, à chaque fois, je me dis, il faudrait qu'on arrête de dire le numéro 1 parce que ça dit qui est le numéro 1 du top 20 anglophone tout le temps. Ah, c'est vrai! Faut se censurer nous-mêmes. Aucun bon sens. Pour ce numéro 3 des disques canadiens en 3e. Mais personne n'a entendu, tu m'arrêtais, attends. Absolument, j'ai parlé par-dessus puis j'ai tendance à parler fort. Exactement. 3e place du top 3 des disques canadiens, The Pack 80 avec Positive Thinking. Et en 2e place, c'est lancé numéro 1, Holy Fuck avec Congrats. Le numéro 1 est en suspens. C'est ça. Dans le top 10 Loud, une nouvelle entrée en 10e place, c'est Take Over and Destroy avec l'album Take Over and Destroy. En 8e place, une autre nouvelle entrée, Watchtower avec l'album Concepts of Math Book 1. Ça me parle de mathématiques, c'est pas ça. L'autre nouvelle entrée est en position numéro 2, donc je vais te laisser la faire en faisant le top 3. Excellent. Donc le top 3, bien en 3e position, c'est Allegalone de Proponent for Sentience. Je m'y achète. Sentience, c'est top 10 loud. Ouais. Deuxième position, Epica avec The Holographic Principle. Et en première position, en première position, c'est Opeth avec Sorceress. Si tant qu'elle voulait faire de la censure, t'en mets partout, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je fais. Je suis comme, numéro 1, non. Non, je sais. Bon, donc, d'habitude, on choisit tout le temps une pièce de quelque chose dans les palmarès pour aller l'entendre. Oui, tout à fait. Donc, j'ai choisi dans le top 30 des albums. La position numéro 26 qu'on n'a pas encore entendu, c'est l'artiste White Lung. Et voici l'extrait de l'album Paradise qui s'appelle Hungry dans la section ailleurs dans les palmarès. Ah, c'est fou, 89.1 FM. You are never safe from yourself. pièce Hungry We de la formation White Lung sur leur album Paradise. C'est en position numéro 26 du top 30 des CD dans la section ailleurs dans les palmarès. Oui. Ça veut dire qu'on est rendu au numéro 1. Oh my god, et numéro 1 veut dire qu'on doit faire les jeux de mon poche. Tout à fait, pas le choix. T'es habitué, t'en entends du lundi au jeudi le matin. Pas mal tout le temps. T'as le mardi après-midi, le mercredi après-midi pour Mathieu Blanchot, le samedi après-midi pour la rediffusion des palmarès, le mardi à 10h, non, le vendredi à 17h pour la reprise des palmarès, le mardi à 10h pour la rediffusion de Mathieu Blanchot. Les seules places où il n'y a pas de rediffusion ou de place où entendre mes jeux de mots, je te dirais que par processus d'élimination, il y a le dimanche et le samedi soir. C'est vrai? Et là, t'écoutes ça, puis là, tu fais comme, mais voyons, non, sont mes jeux de mots? Puis là, tu frappes quelqu'un. Tu sais, les gousses. La gousse d'ail. Ouais. Hein? C'est comme ça. T'es une fille comme ça qu'on appelle un petit peu violente. Ouais. Tu sais? Puis si t'avais même, une pelle. Ouais. Puis que tu pouvais me sacrer un coup de pelle en face à chacun de mes gags. Ouais. Un clopel-gag. Oh! Un clopel-gag, hein? J'avoue que quand je sors mes jeux de mots, j'ai tendance à un petit peu bomber le torse parce que je suis tellement fier de moi. T'sais. Fait que là, je deviens comme une star. Ok, oui. Chest. Ben oui. Ou comme on l'appelle en français, une étoile thoracique. Tout à fait. Hein? En anglophone, la femme qui un jour sera avec moi, la femme de Mireille, hein, elle va devoir être particulièrement rayonnante, exactement, c'est ça, pour pouvoir me remettre mon prix, un peu comme dans un gala. Okay, elle serait habillée de paillettes dorées. Ouais, il est fantastique. Je sais pas que ce sera pas Lise Payette dorée, parce que ça, c'est un peu moins mon genre. Ouais. Pour réussir à avoir Lise Payette, pour réussir à chouiner devant Lise Payette, il me faudrait une pilule, petite pilule bleue. Pour réussir à faire quelque chose comme ça, parce que sinon, Colin s'élève pas devant les paillettes. Voilà, c'est mes jeux de mots pour aujourd'hui. Oh my God. Mets de l'ordre là-dedans, s'il te plaît. Je vais essayer. Si je suis violente avec tes jeux de mots et que je ne les entends pas le samedi soir, c'est tout simplement parce que le top 1 francophone, la pièce s'appelle Samedi soir à la violence. Si je suis désolée, si j'ai besoin d'utiliser une pelle dans ton visage, Mathieu, c'est parce que l'artiste, c'est Clopelgag. Hey. Et si t'as le torse qui te bombe, telle une célébrité, une étoile rayonnante, c'est parce que l'album, c'est l'étoile thoracique. Hey, ça, c'était recherché. Hein. Recherché, tu dis. Jamais vu une recherche aussi poussée que ça. Dans ma tête. Oui, tout à fait. Du côté anglophone, si la fille de tes rêves est rayonnante comme ça, avec des paillettes, c'est parce que le titre de la chanson s'appelle Lady in Gold. Les petites pilules bleues. Pour Lise Payette. Pour Lise Payette, avec l'artiste qui est Blues Pill. Et l'album, bien, c'est bien évidemment Lady in Gold. J'ai pas fait de jeu de mots pour l'album, je m'excuse. Ouais, non, c'est correct, hein, j'avais comme compris. Je suis plate de même, puis de toute façon, 5 jeux de mots, il y a de 6 ben en masse. Hein, ben ouais. Écoutons donc Club El Gag pour commencer samedi soir à la violence dans les palmarès. C'est fou. J'entends souvent cette voix. Par le froid, il me blesse maintenant. Que tu ne te souviens plus comment. Plein d'amour, oublie pas, souviens-toi, moi de moi. S'il te plaît, d'amour, oublie pas.

numéro 1 de chaque côté pour la semaine du 3 au 8 octobre 2016. On vient d'entendre Blues Pills avec Lady in Gold qui monte d'une place. C'est sa quatrième semaine sur l'album du même nom, Lady in Gold. Et on a entendu samedi soir à la violence de Claude Pelgag du côté francophone. Une première en top 1 parce que la semaine dernière, on était en 17e position. Wow. Est-ce qu'on va rester là pendant un bon bout? C'est ce qu'on va savoir la semaine prochaine. Absolument que t'as de la suite dans les idées. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis, entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, soyez là pour animation, l'émission de métal et d'horreur. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, c'est réanimation et matière noire, en rappel. Et finalement, les samedis, entre midi et 15h. Après nous, ben, c'est toi. En piste avec Tania Baudin à partir de 15h. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et les mercredis avec En piste à 14h et la Mathieu Plante Show à 15h. Voilà. Et voilà. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée tantôt, une courte pièce de Hot Panda, position numéro 14. C'est Bad, Bad Pop. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.